Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Là, je vois que t'as plus d'appétit. T'esquives tout le temps les flics. Tu ferais tout pour du fric. Et oui, t'as donné. T'as fait du mal, on t'a pardonné. Oui, t'as volé. Fallait pas donner. Fallait pas donner là où il fallait pas. Toi t'as volé, mon petit, fallait pas. Tu fais comme si tout allait. Quand tu descends au quartier, tu fais comme si tout allait. T'as tout donné et t'as tout perdu. Les gens te rionnaient. Cherche la moindre ouverture. Tu parles que tu promets que tu veux le déjeuner. Mais nous on te connaît. Toi y'a tout qui perturbe. Tu veux plein de sous. On parle, tu fais le saut. Rien que tu te saoules. T'en as marre de tout. Tu veux plein de sous. Faut que tu bâtisses ta vie. Dis-moi qui sera là. Fais le con, vas-y. Ne pas pleurer quand t'as mal. Un grand de la tête, nous l'écoutons. Eux, ils suivent tous comme des moutons. Toi, tu rêves de t'en aller. Mais ton pote passe au palais. Il a contredit la juge. Elle y a mis deux ans. J'aime bien marcher seul. T'écoutes pas les gens. Tu dis rien, t'observes. T'occupes de ce qui te concerne. Oh là là, ça y est, t'es devenu un show. Oh là là, tu veux ce qui parle dans ton dos. T'as vu, ils veulent doubler celui que t'appelais mon petit. T'as vu, ils veulent te soulever, ça tout le quartier te l'a dit. T'as tout donné et t'as tout perdu. Les gens te rionnaient. Cherche la moindre ouverture. Tu parles que tu promets. Tu fais le déjeuner, mais nous on te connaît. Toi y'a tout qui perturbe. Tu veux plein de sous. On part, tu fais le saut. Rien que tu te saoules. T'en as marre de tout. Tu veux plein de sous. On part, tu fais le saut. Rien que tu te saoules. Faut que tu bâtisses ta vie. Dis-moi qui sera là. Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Là, je vois que t'as plus d'appétit. Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qui se passe?